Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 10 au 16 février 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on est très, très heureux d'être avec vous pour les trois prochaines heures pour entendre de la bonne musique. C'est comme le but de notre semaine. Mais oui, c'est le coït de notre semaine. C'est... Ouais, c'est chaud, humide et etc. On va se rendre jusqu'au numéro 1. Du côté anglophone, il y aura Lederhosen, Lucille et Kristen Muir avec Chicken and Clark. Mais on commence du côté... Non, c'était les numéros 1, ça. Comment, les numéros 1? Ce qui était numéro 1 la semaine passée, ma phrase, c'était ça. Ah, ouais. C'était Claude Pelgag avec Rayon X. Hey, mais non, mais c'était tellement long, ta phrase. Bon. Non, mais c'est pas de ta faute. C'est le nom de l'artiste. Ah oui, c'est vrai. C'était tellement long. J'étais à Barouette, il y en a donc bien nommé tout d'un coup. Je pensais que c'était la liste des nouvelles entrées, finalement, tellement qu'il y avait des mots là-dedans. C'était aussi long. Je suis certaine que c'était aussi long. Sûrement, mais c'est pareil aussi comme, dans les relations sexuelles. Quand tu fais juste suivre le mouvement et tu regardes pas vraiment où on s'en va, tu fais juste ça pendant que tu penses au ménage que tu vas faire plus tard. T'sais, les filles apparemment pensent à ça pendant le sexe. C'est ce que je disais, gars. Mais non, j'ai une vie plus trépidante que ça. Bref. De toute façon, le ménage, je pense jamais à ça. Ben non, moi non plus. Je laisse ça à Stéphanie du futur. Ah! Du côté des nouvelles entrées, on va entendre plus tard. Et là, je vais te les nommer. Tu vas pouvoir compter le temps que ça va prendre. Donc, des nouvelles entrées, entre autres de Mono Grenade, Auguste Canaille, Jacques Mort, Pipi, Broken Bells, Mark Berube et Royal Canoe. Même enfant. Pareil, hein? On va débuter par contre en 20e place francophone. Oui, c'est Jour de malentendre de Virgo. Ouais, Jour de malentendre, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais c'est le même. Et c'est les gagnants des mardis de la relève 2013, toi. OK, yes. 2013. C'est ça, toi, 2013. Oui. Mais ça qui est bizarre, parce que tu vois, le concours, il recommence là. Puis ils viennent d'annoncer gagnants, tu sais. Fait que c'est mêlant dans les années. En fait, c'était annoncé avant, je pense, mais ils ont juste fait le lancement de la pièce. Ah, tu vois. Bon, ouais. Maintenant que je suis au courant, c'était je peux long, partir de la pièce. Ça, c'est long. Ce n'est pas mal, assez fou. Comme l'intervention, c'était long. Un peu, et inutile aussi. Toujours avoir fini le premier. Laissez de ne pas oublier. Pendant ce temps d'énervement, y'a pour dans les dépasser. Faisons l'effort. Pas peur de ne plus pouvoir s'en aller. Si longtemps, si j'ai encore. Obligé d'abandonner, de torturer, de tempérer, mais menacer d'effacer. Le jour où t'es le plus mon corps adore mes dangers dans ce trou noir. Ralentour de tout ce qui améliore l'état des autres en dehors. Doubler de savoir avancer, diviser, multiplier, même si on risque d'effacer. Blesser de ne pas oublier, le temps arraché, craché, cache à penser à son passé. Encore le temps de l'effacer. s'arrêter. Obligé d'abandonner, de torturer, de tempérer, mais menacer d'effacer. Entrer en 20e place du côté anglophone, on vient d'entendre Pie Pie et Pagan Day, la pièce de leur plus récent album. Alors que du côté francophone, on entend du jour de mal entendre de Virgo. Oui, Virgo et Pie Pie, deux noms quand même assez hétéroclites. Pie Pie, c'est le symbole pi, mais avec des Y. Ah, oh, je pensais que tu me criais des noms de tartes. Non, c'est ça. Ou de vierge, Virgo, tu sais. Des noms de vierges. Des noms de vierges offensés. Marie! Joseph! Yeah. Non? Non, mais lui, il était pas vierge. Non, non, non, non. Il était tout le temps bang, bang, bang, bang. Tout le temps. Oh, et toutes les autres, là, sauf Marie. C'est ça. 19e place du côté anglophone, c'est Broken Bells et Holding On for Life. Et du côté francophone, Squelette de bois de Jacques Mort. Non, mais des noms bizarres aujourd'hui. Hey, squelette de bois, là. Ouais. Là, t'as un squelette de pirate, avec la jambe de bois. Oui. OK. Oui. Quand le pirate, arrête ça de même parce qu'elle est amputée, mais elle l'est pas fait. As-tu une jambe de bois, cœur de pirate? Non, c'est ça, je pense pas. On devrait. Okay, on va t'arranger ça. Des menaces de mort. Ce n'est pas vrai, c'est fou au 89 FM. We'll be right back. about to use and let me buy an hour. Maybe help me to understand. Broken Bells et Holding On For Life. Premier extrait de l'album After the Disco, en 19e anglophone. Et tout juste avant, du côté francophone, c'était Squelette de bois de Jacques Maure. On continue avec les 18e du côté anglo, c'est Mark Birobe et Carnival. Du côté francophone, c'est Canaille et la pièce... Oh, Titanic! Ah, Titanic! Titanic! Ouais! La grosse Nicole. Ah! Oh. Excusez. Ouais. On les salue d'ailleurs. Je disais aucune Nicole en particulier. Bon, salut quand même. S'ils se sentent visés. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est le chapeau de poids, vous fait, mettez-le. On était dûs, perdre dans le bois. On a fini sa montagne sur la croix. On y a cru, mais c'était pas ça. On veut un vrai lac la prochaine fois. On n'a pas de char pour y aller. Puis nos bicycles, quand on s'est fait tout voler. Sifflou dans tes oreilles. 89.1. 18. Nouvelle entrée. Wrote a small time song for my neighbor choir, for my kid at home. My band for hire, find a cancel in a bank of songs. I'm on the ba-da-ba-da. Find some chicken wire, a plastic bag, a clothesline full of golden rice. Find some graffiti on my china place. Got a happy hammer for the refined taste. And now the school year's in. The basement's full of all the dandelions. The kids could pull, find some entitlement. Some hipster swag. Conversation for my vanity page. And now the typewriter's dead, but not the church bell song. I see our future lit in the lights of Hong Kong. Got my Christmas faith. The angels shine on the lips of the few bit of the shadows of the color of the lies on the cheeks of your face. Promises on the base of your teeth. Color of the lies on the cheeks of your face. Will you take what you will receive? Deuxième pièce de l'album Russian Dolls de Mark Brouwer, c'était Carnival en position numéro 18 anglophone. Et du côté francophone, c'était le retour de Canaille avec la pièce Titanic. Oui, hein, à la demande générale, pas de moi, mais de gens qui aiment ça, Canaille. Hein? Ben oui. Ben oui, c'est un genre. Donc, on n'a même pas encore terminé nos nouvelles entrées. On a déjà une demi-heure de fête dans l'émission. C'est rare que la première heure qui porte le nom de New Shit dure aussi longtemps en termes de nouvelles entrées. Moi, c'est rare que c'est l'heure au complet. C'est ça. Shitty Hour, comme on pourrait l'appeler. Mais ouais, dans le bon sens. Hein? C'est ça. Ça, les jeunes parlent les contraires des... Mais oui. C'est tellement genre dégueu. Ça, c'est bon. Non, ouais, c'était cœurant. Cœurant, c'est plus ça, je pense. Hein? Dégueu, ouais. Ils disent pas vraiment ça. Hein? Je suis vieux. Peut-être. Hein? Peut-être, moi aussi, je commence à être loin, là, ouais, c'est des ça. Petits jeunes. On avance. Parlant d'avancer, on se rend vers les positions numéro 1 à la fin de l'émission. Il nous reste encore quelques nouvelles entrées. Il y en a 3, donc on va sauter par-dessus une des pièces. C'est le Trouver l'intrus, si on veut, de ce bloc. Carl Puncher en 16e n'est pas une nouvelle entrée, donc on ne l'entendra pas avec Bridesmaids. Par contre, dans ce bloc, on va entendre Moulon Grenade et Royal Canoe. Mais on commence, bien entendu, en 17e francophone avec 3 jours en hiver d'Auguste. Au palmarès, c'est fou! Thank you.

bye bye bye. C'était des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 3 au 9 février 2014. On a donc dit au revoir à Tes yeux de Monogrenade qui est resté seulement 4 semaines, mais qui est déjà de retour sur le palmarès pour avec la pièce, pièce Métropolis. Mais non, c'est... on leur fait repartir en bas. Même chose pour Jacques Maure et la pièce Adieu mes chats qui a duré 9 semaines. Jacques Maure qui est de retour avec le morceau Squelette de bois. Ensuite, on a dit au revoir à Pendentif et la pièce Mafia douce qui est restée 6 semaines. Ensuite, avec Confie et ton sac de natation qui a duré 8 semaines. Audrey Emery et La couleur des jours qui est restée 7 semaines. Dr. Dog et Love qui a seulement duré 4 semaines. Il y a aussi Royal Canoe qui nous a quittés avec sa pièce Birdie qui est restée 7 semaines. Et aussi son retour avec la pièce Hold On to Metal. Ensuite, Mark Birobe et Confession to a Sweet Life qui a duré 8 semaines. Lui qui est aussi de retour avec Carnival. Et finalement, I Had Me a Girl de Civil Wars qui est restée 5 semaines. À cette pièce-là m'énervait tellement à chaque fois qu'elle jouait. Mais quand même, c'est un genre... The Civil Wars, voilà. Mais elle me restait beaucoup dans la tête, c'est même vrai. Si des fois, j'avais l'impression qu'elle allait vomir. C'est tellement l'impression que ça me donnait aussi. Voilà pour Palmer Rest in Peace. On fait ça chaque semaine et c'est rare qu'on fait ça pendant aussi longtemps. Ça a duré comme 4 minutes quelque chose avec des montages de 25 secondes par pièce. C'est le même. On retourne au palmarès top 20 de chaque côté. On saute par-dessus les 13, 14 et 15 en anglophone. The Darcy's est en 15e place avec Muzzle Blast. En 14e, c'est Gravity de Tronte Moller. Et en 13e, Going With You de Sebastian Granger. Et du côté francophone, on saute par-dessus la 15e place qui est Le corps est lourd. On a créé un monstre. En 14e, Rêver souvent de Jimmy Hunt. Et finalement, en 13e, Chemin de Gravel de Simon Kearney. On va l'entendre, les positions numéro 12 du côté anglo, c'est June in the Fields qui monte d'une place avec Back in the Country. Mais on commence du côté francophone avec la 12e place qui est Cœur de ciment de Mardi Noir. Vous écoutez un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Et ça, c'est aussi fou. 90, non, un petit peu plus bas, je pense, 89. Scrollez, à un moment donné, vous allez pogner de quoi. Moi, 89, je pense, ouais. En tout cas, vous l'avez sûrement trouvé si vous nous entendez dire des niaiseries de même. C'est ça. Puis si ça gosse en arrière, on dirait que t'es pas sur le poste, non, c'est juste le début de la toune, ça. C'est le même. Ouais. Non, je pensais à la dire, c'est parce que c'est le son de ta voix. Bitch. Je suis

feels good to be back in the country. It seems that everything is easy. Birds are singing at the break of dawn. Maybe I should live on a farm. C'est tellement silencieux, j'ai l'impression qu'on entend chacun de mes bruits de papier en arrière avant que je ferme. C'est ça que je me disais, ouais. T'étais donc bien bruyant. C'est tellement ça. June in the Fields et Back in the Country qui montent une seule place en 12e anglophone. Et trop des francophones, et c'était Cœur de ciment de Mardi Noir qui a pris une drop de 9 places. On saute par-dessus les 11e places en anglo, c'est About et Built It qui descend dans la 7e. Et trop des francophones, on saute par-dessus David Marin et sa pièce à l'abri du tempo. On saute par-dessus le bateau, David Marin. Au retour à la 2e heure, la portion top 10 des palmarès fous. On va avoir les positions 19, 8, 7 et 6, quand même, et aussi les instants classiques d'assemblage requis. Oh! Et c'était fou, si je me rappelle bien, c'est dans la 2e heure, ça. Oui, là, enfin, on est sur la même longueur d'onde. Restez là. Restez avec nous, je voulais dire. C'est comme rester avec là. Avec restez, là. Restez avec là. Restez avec nous, mais restez là. Bref. Attends. La deuxième heure, la portion top 10 des palmarès c'est fou pour la semaine du 10 au 16 février 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, les instants classiques d'assemblage requis. On a un bon petit 8-9 minutes là, de moments savoureux et entre autres un moment qu'on va dédier à la Saint-Valentin. Oh! Ah oui, ça va être très très cute. Pour l'instant, par contre, en 10e place anglophone, Mode Moderne et She Untamed qui monte de 10 places. C'était nouveau la semaine passée. Et ça monte de 2 du côté francophone. C'est Dédompter ton chien de Rouge Pompier. Puis là, clignez pas les oreilles. Ça commence, c'est déjà commencé. Il y a déjà, il reste seulement 50 secondes. Dédompter ton chien. Dédompter, j'ai dédompté ton chien. Il montait sur le divan. Mangeait de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. Dédompter. C'est de la crème glacée. C'était le plus beau week-end de sa vie. 10. J'étais pas là partout, je suivais pas du tout le fil de la, du bloc. On vient d'entendre nos positions numéro 10, c'était Mode Moderne et She Untamed qui monte de 10 places, c'était nouveau la semaine passée. Et ce côté francophone, c'était Rouge Pompier et Dédompter ton chien. Je vais suivre mieux le reste de l'émission, je te le promets. Mais non, mais on a une belle conversation de bobettes de gars. Ben, c'est, faut le dire, on va le dire, c'est dit. Mais non, mais je veux dire, moi je connais rien aux bobettes de gars. Et moi je connais tout. Non, mais c'est tout. Mais c'est ça, je veux dire, on demande des conseils. C'est ça, c'est ça. Position numéro 9, anglophone, c'est Yamantaka, Sonic Titan et Well Song. Ça monte de 10. Ça aussi, c'était nouveau la semaine passée. Et ça descend d'un, du côté francophone, c'est Ton Cheval est mort de Montréal Carnivore. Oui, Montréal Carnivore, qui ne fait pas l'unanimité dans son style musical. Encore une fois, c'est une chose qui partage notre merveilleux public de palmiers. On parle assez fou. Mais justement, ça prend de tout. Pour faire tourner le monde. Je sais pas. Qu'est-ce que ouais. Regarde. C'est pas mal, c'est fou. D'accord. Yeah. Yamantaka Sonic Titan, la pièce s'appelle Whale Song et elle monte de 10 places en 9e anglophone. Et du côté francophone, c'était Ton cheval est mort de Montréal Carnivore. Tantôt Grenadine et Statue Park, mais avant ça, je sais que Jean-Philippe Charbonneau est à l'écoute parce qu'il nous dit qu'il est... Attends un peu, faut que je relise son message. Non, tu peux pas dire ça. Je suis foutrement... Ben, je vais le censurer. Okay, okay. Je suis foutrement à l'écoute parce que tu m'as dit de lui écrire que les médias classiques commençaient, là, tu sais. Ben oui, parce qu'il a pas écouté les péripéties de JP, puis pourtant, c'est sa vie... C'est sa vie. On connaît plus sa vie que lui-même. On la raconte tous les jeudis matin à 9h aux deux semaines, quand ça donne, quand on a le temps, quand on réussit à le faire en deux autres affaires, à Assemblage requis. Okay? Et là, on le rediffuse à Assemblage classique pour enlever toutes les raisons aux gens d'écouter Assemblage requis. Parce que, je veux dire, tu n'écouteras pas Assemblage requis si on te résume ça en 8 minutes au palmarès, c'est fou, tu sais. Ben, 8 heures en 8 minutes, c'est comme 8 heures, 8 minutes, qu'est-ce que je vais prendre? T'sais? Mais il y a quand même du contenu à Assemblage requis. Autour là. De ça, il y en a pas mal. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 10 février 2014. Ouais. Elle est au nu polaire, j'entends dire. Oui. Ouais, apparemment, qu'ils ont annulé les feux d'artifice. Trop de vent, poussé par le vent. Ça a mis le feu au centre-ville, poussé par le vent. Une deuxième fois, l'histoire se répète. Ah, c'est une bonne idée d'avoir annulé, finalement. Oui, peut-être. C'est le moment d'apprendre les choses, de s'abreuver et de faire vite. C'est comment j'aime ça. Apprendre. C'est une des raisons pourquoi je me lève le lundi. Oui. Ça, c'est un fait. C'est que tu pars de loin aussi en termes de connaissances. C'est une petite intro, moi j'ai de casser ça. Ben non, c'est correct. Tu sais, l'important c'est de s'aimer comme ça. De s'aimer dans notre différence. Oui. Moi les amis, je vous aime. Ah, il est fin. Il est encore là, lui, le vieux Roger. Le vieux Roger. Normand Lamour, c'est sûr. Oui. Roger Lamour, c'est le frère de Normand. Puis à place de parler de poignée de porte, puis il parle de... C'est de frein et tout ça. Oui, la série. Je m'en allais là-dedans aussi. Je m'en allais là. Tu t'en allais dans la série. Ah, sérieux. Il est un bébé jaloux de Normand. Fait qu'il fait des chansons similaires à, mais pas exactement les mêmes. Ouais. Il y a chéreux de la porte. C'est pas un achigan, c'est un brochet à gros pouces. Ouais. Il dit aussi en Europe, toute blanche, au lieu d'en Afrique, toute noire. Il y a une toute qui est en Afrique, toute noire. C'est parfait. C'est super. Puis ici, ton meilleur ou pire souvenir d'impro. Le pire, c'est que mon meilleur moment, c'était au Happening. Ah oui. C'était avec Max Tanguay. C'était probablement une des meilleures impros, je pense, que j'ai fait. Puis, c'était le thème, ça devait parler de voyage dans le temps. Parce qu'on était des hommes de Cro-Magnon. Puis, on nous voyait dans plusieurs époques. Mais moi, je pense que Max avait commencé à évoluer, mais moi, j'étais tout le temps resté homme de Cro-Magnon. Puis, à un moment donné, il fait juste me pogner à la face, puis il me regarde. Puis, je te jure, on est passé à 2 cm de se frencher, mais à côté, je veux dire, c'est un beau moment d'impro. C'est mon meilleur moment. La fois où j'ai failli embrasser Max. Son rêve est passé à ça. Ben oui, ça va se réaliser cette année. On va jouer contre les Bleus, j'imagine. Là. Puis que je suis content d'aller en rouge, mais j'aimerais ça jouer avec Max. Et mon pire souvenir, Max m'avait un feu sauvage. J'ai le goût, Mathieu, ouais? De changer un peu avec la question. OK. De l'aparté. Okay. Oh, oui, OK. Fait que je te laisse dire la question. Parfait. T'as l'occasion de parler à Maxime Tanguay. Oh mon Dieu. Donc, on y va. Maxime, je le sais que c'est peut-être pas ce que tu pensais, mais à l'impro aux Zénop, t'as vraiment lancé mon goût pour l'improvisation parce que j'avais envie de te revoir, puis j'avais envie de revoir un petit contact physique avec toi, puis je me suis dit que comme t'es un homme fidèle, tu viendrais jamais me voir. Fait que sur l'improvisoire, ben j'avais la chance de peut-être des fois te toucher le bras, t'effleurer la joue. Puis c'est je veux que tu saches que t'es ma motivation et que bien au pro... bien profondément dedans de moi, ben je le cache bien, mais je t'aime, Maxime Tanguay, je t'aime. Oh, c'est émouvant, ça! J'ai le goût de pleurer. Oui. Oh. Moi aussi. Deux collègues de suite. Elle est polyvalente? Oui. Et une vraie école secondaire. Ah! Oh. On a aussi... Ouais. Je commence. me dis, mou, là, il faut que quelqu'un plug le. J'espère que t'allais le faire. OK. Oui. Je ne vais pas te voler ta blague. C'est vrai que quand c'est une blague facile, je devrais te laisser. C'est facile. Oh. Je fais la prémisse, c'est correct. C'est une blague. Ça nous a la chance, excusez, ils ont du droit de sacrer ici. Ben, pas tant, mais légèrement. C'est pas grave, légèrement. Il va se tasser à un moment donné. C'est mieux chercher en dedans. Bon, oui, vraiment, on le voit. C'est comme en attendant, c'est vraiment ciblé comme un tremplin que tout le monde peut faire. Tu veux être animateur, il y a de la place, il en cherche tout le c'est temps. D'une job à tremplin à une job à temps plein après. C'est plein de rebondissements. Oui. Tremplin de rebondissements. Oui. Savais-tu qu'au Japon, c'est illégal pour la pornographie de montrer de la pénétration? Ah. T'as pas l'air de montrer des pénétrations au Japon. Donc, les Japonais ont trouvé une autre solution, c'est d'utiliser des tentacules de pieuvre au lieu de pixeliser. Ah! Ouais, ça. Allez voir, il y en a sur Internet un peu partout. Là. Tentacle porn. C'est une question aussi d'encre. Les pieuvres, oui. J'espère qu'ils ont bien été vidés. C'est une histoire qui va faire couler beaucoup d'encre. c'est écœurant, ça. J'adore. Ça va entendre. Show me your eyes. Oh, c'est super romantique, c'est pour la Saint-Valentin. Ça dépend si t'es encore d'en face. Ah! Pourquoi tes yeux... Ça, c'est pas un cœur, hein, des yeux. Non. Ça, ça peut glisser entre tes doigts, par exemple. Ouais. Mais ça sert à plein de choses aussi, le grand. Stéphanie, tantôt, tu me dis pour avoir moins froid. Ouais, pour garder notre chaleur. Oui, ça sert à ça. C'est un isolant. Comme un bas de laine. S'il fait froid, ça garde la fraîcheur. S'il fait chaud, ça garde la chaleur. Ça dépend. Si ta tante, elle s'appelle Hélène Minéral, peut-être. Ah, mais c'est bon, mais c'est formidable comme jeu de mots. Ah, mais ça pique, ça. Ouais. Elle est bien, bien chaude. Elle est chaude en temps. Mais elle pique. Quand on accumule des graisses, on ne décide pas l'endroit où on va accumuler les graisses. Là, je prends... Il n'y a pas un bouton genre, toi, tu vas là, non, toi, tu vas là. Non, parce que j'aurais des cristis de grosses. Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'il y en aurait une qui serait femme pomme puis l'autre qui serait femme poire? Qu'est-ce qu'ils font de différent, ces deux femmes-là? C'est comme la zone de Noël, femme pomme. Ouais. Sur la route. Mettre nos barrières. Oui. Mettre tes culottes. Ils sont trop petits, faut que je perde du gras. Justement, je voulais te parler de ça, Mathieu. Hey, merci. Permettre les tiennes, ça me rendrait plus à l'aise. Hey, tu me diras pas quoi faire dans mon studio entre 7h30 et 7h30. T'es pas ma mère. C'est ça, t'es pas ma mère. Ça va être féroce parce que il y a des rumeurs que, et là, je vous dis ça en toute confidentialité, c'est entre vous deux et moi. Oui, personne d'autre que nous. Personne d'autre. On ferme les micros. Écoutez, on m'a fait dire que dans l'équipe des anciens combattants, Luc Mascotte, il serait... Là, vous dites, ça me dit tellement rien. Mais... Comme le suspense, c'est comme complètement gâché. Je vais remonter ça, voir. Luc Mascotte va être là. Pour les anciens combattants. Eh oui, parce qu'en fait, c'est le moment de feuilleter. Un peu comme un gâteau feuilleté. On enlèverait la petite crème et on lui ferait. Donc, on va feuilleter le Zone Campus. Ça commence à faire, je pense, depuis le début du mois de janvier, donc un mois environ. Ouais, mais ça a l'air de rien, mais écrire des gags poche, c'est long. Ça demande vraiment du travail. Ben oui. Donc voici les péripéties de JP. JP, et son petit goût aigre-doux. Les péripéties de JP, épisode 7. JP lors de sa récente formation de directeur général. C'était JP qui se disait très fier de son travail sur le terrain. Je pense qu'on est naïf. Hein? Oh, ben là, moi, je le trouve drôle. On est pas pire. Celle-là, je le trouve quand même bonne. Une immixtion, c'est l'action de s'immiscer. Hey boy, votre immixtion, radio. Moi, c'est le téléphone que je reçois souvent, c'est la boîte vocale. Hey boy, ton immixtion, radio. Action de s'immiscer dans les affaires d'autrui. Immixtion. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone qui s'accumule là à cause de la respiration, puis vous pourriez suffoquer. Ben. Donc, important qu'il y ait un trou d'aération. Ça, c'est fucké! Oui. Que ça puisse... Dangereux! Ça, c'est fucké! Aïe, aïe. Toutes les compagnies de cinéma, etc., qui ont une pyramide Warner, ça serait des Illuminati. Notamment Columbia, la maison de films, là. Columbo, il y a un œil croche. C'était une limite. Qui sait? Ils ont mis le logo direct dans la face à lui. Isengard, qui est la tour ou l'endroit où se trouvait la forteresse de la Terre du Milieu du méchant sorcier Saruman. Là, j'imagine qu'il avait mis en garde le sorcier, là. Ouh, excellent, excellent. Et vite ses patins. Ah, Mathieu, t'étais pas attentif, là, je suis en train de voler ton haut, là. Ah, Caroline, je vais me faire tasser. Wow, c'était classique et c'était long mais intense, hein? Ah ben oui! Vraiment que du bon stock là-dedans. Je suis satisfaite. Ouais, c'était les meilleurs moments d'assemblage hockey pour la semaine du 10 février 2014. C'est bien ça, avec tout le montage, on dirait quasiment qu'on fait des jokes puis qu'on est drôle. Quasiment, hein? Avec t'enlèves tous les silences et les affaires par rapport, puis tu raboutes ça ensemble. Ben, je sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours exactement les mêmes rires qu'on rajoute à des moments stratégiques. Ben oui. Caroline. Mais bon, moi ça me plaît, c'est ça. Les rires en canne? Ça a l'air vrai, oui, c'est ça. Écoutez Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 avec Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et moi-même Mathieu Plante. Mais en alternance. Mais pas toi. Non. Mais moi et Jean-Philippe, c'est jamais arrivé. Non. Ça va-tu arriver, tu penses, un jour? Moi, ça, oui. Non. Hein? Oui. Plutôt pour un chien. Non, non. Je faisais tout le temps ça à mon père. Il disait oui, oui. Plutôt pour un chien. Non. Caroline, m'écoutez. Ben, vous savez, c'est ça, on a commencé cette session-ci au mois de janvier avec la nouvelle roue des animateurs, la roue chanceuse. Jean-Philippe Charbonneau. Ou encore Stéphanie Paradis. Un jour, peut-être, il y aura une participation, peut-être un featuring. On aurait aimé ça. Toi, je sais que t'es pas du genre à vouloir te lever les jours où t'es pas supposé te lever. Ben, Jean-Philippe non plus. Ben, exactement, tu sais. Vous écoutez pas l'émission des autres, tu sais. Vous autres, c'est lundi, mardi, sans cesse, mais il y a pas d'autre chose. Non, on est indépendants l'un de l'autre, là. C'est ça. Donc, un jour, peut-être, on voulait le faire pour la 666e émission qui a lieu lundi, là. Oh! 666e émission. Ouais, mais c'est pas juste. Ça fait une journée comme normale, puis moi, une journée de plus. Ouais. Non, mais il faudrait que ce soit moi et Jean-Philippe, puis toi, tu resteras chez vous. Ah, oh! On va la faire, l'émission, nous autres. Vous allez faire la technique? Lui? Lui, c'est vrai, il est capable. Là? Toi, tu veux pas l'apprendre, je te dis, viens sur ma cuisse, ça va, il vient apprendre la technique. Tu dis, non, je veux pas de ta cuisse, c'est ça. Non, maudit vieux, mon oncle cochon. C'est ça. C'est Roger Lamour. Fallait avoir écouté les instants classiques avant, là. J'imagine que si vous ne les avez pas écoutés, là. Bref, voilà pour un instant classique. On fait ça toutes les semaines vers le début de la deuxième heure dans les palmarès, c'est fou. Ça donne vers les 16h15 le jeudi. Alors, on est rendu au 8e place du côté anglophone, c'est Statue Park et 1983 qui monte de 4 places. Et ça descend de 3 du côté francophone, c'est Bonjour Tristesse de Grenadine. Bonjour. Bonjour Tristesse. Oh, mais non, ça c'est Valentin. C'est déprimant. On est déjà assez déprimé de même dans la vie. Je suis en train de parler. On est déjà assez déprimé de même dans la vie, hein? T'sais? On peut être de bonne humeur. Je repasse la tourne au début, je la repars où elle était rendue. Ah, oh, où est-ce qu'elle était rendue? Ah, ok, ça va faire bizarre, non? Mais pourquoi tu me poses la question? Fais ce que tu veux. Comment? Fais ce que tu veux. Okay. C'est ta console? Ma console, oui, c'est ça. Mes boutons, là. Ces boutons, là. Ah, ça lui plaît pas mal, je trouve. Garde ce gars. Oh. Je suis pas de celle qu'il faut que tu regardes. En moins d'une seconde, il est trop tard. J'ai appris, je répète, mais quand je délaisse, j'y pense à deux fois. Car ce qui nous blesse nous tombe parfois là. Tu nous Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. 8. Statue Park 1983 monte de 4 places en 8e position anglophone. Et tout juste avant du côté francophone, c'était Bonjour Tristesse de Grenadine. Tout à l'heure, il y aura Ariel et Dear Criminals, mais avant ça, c'est ce qui nous amène à C'était fou! Cette fois-ci, on reste assez récent, on retourne à la semaine du 6 février 2012. Donc, il nous reste seulement les positions numéro 1 à entendre dans les palmarès C'est fou cette semaine. Et vous le savez tous, hein, c'est un classique. Les jeux de mots de Mathieu Plante. Si seulement on avait un intro pour ça, genre, mais on n'a pas. T'en as même pas besoin. T'en as même pas besoin. Non, parce que mes jeux de mots sont tellement bons que ça mérite. Ça n'a même pas besoin d'intro. C'est, ça gâche. C'est grandiose, c'est ça, exactement. Voilà. T'sais, combien tu donnerais, mettons, à mes jeux de mots si j'avais jamais demandé une note à me donner, mettons, sur mes jeux de mots? 5.0. Sur combien? Sur 5, évidemment. Sur un iceberg, hey. Je sais pas. Essayez de trouver un lien avec... Ça veut dire 5.0 sur 20 ou sur 10. Je l'aurais pas pris. Je serais parti. Je t'aurais claqué à la porte d'en face. J'allais répondre sur un iceberg, étant donné que c'est le titre de l'album. D'où provient le titre 5.0? J'avoue que je me sens seul tel un gars sur un iceberg avec mes jeux de mots parce que personne ne me comprend. Mais vu que tu m'as aidé à mes jeux de mots, j'aurais pu dire... T'as dit 5.0, j'aurais pu dire « Hey, wow, mais je déteins sur toi, j'ai créé un monstre. » Mettons? Oui. Ça n'était pas si pire que ça. Puis après ça, tu t'aurais dit « Je veux pas participer à tes jeux de mots, je vais t'étrangler. » De choke. C'est ça? J'attends le reste. Caroline. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec les deux autres. Vas-y. Ouais. Je me sens comme craqué sous la pression des jeux de mots « Feel It Break ». C'est le nom de l'album de Hush. Ouais. Avoue que c'était Hush. Le nom du groupe. Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaie. Australia. OK. Un Australien pourrait dire très, très bon. Très bon, mettons. Très bon. Mate. Tu dis ça en Australien. Hein? Mate. Je trouve que tu dis mate, c'était instantanément australien. Flop, c'est ce que j'ai à dire. Ce jeu de mots-là était un flop. Avoue-le que c'était poche. Comme une poche de kangourou. Ça va faire. On les écoute-tu, hein? Voici 5.0 d'en créer un monstre. Moi, somme toute, je suis quand même assez satisfait de mes jeux de mots. C'est ce qui compte, hein? Une chance qu'il y a moins. L'important, c'est de participer. Participation? Body break, tanatata, non? J'ai souvent brûlé du temps en improvisant des paroles qui chantent sur le Pendant que mon pied gauche tape la terre. en première position. Washed away. C'était fou de cette semaine. On est retourné à la semaine du 6 au 12 février 2012. On a entendu au début du bloc, on a créé un monstre avec 5.0, comme ils disent dans la chanson, mais 5.0, comme je préfère le dire, ou 5.0 si on veut être en français, correct? Sur l'album L'Iceberg. Après ça, Ostra et The Choke sur l'album Feel Break. C'était donc les deux premières positions de cette semaine-là. Et on a entendu en pièce bonus à la toute fin Library Voices et Reluctant Readers Make Reluctant Lovers sur l'album Summer of Lust. Un album que je capote dessus. Je l'écoute encore aujourd'hui, même si ça fait juste 2 ans de ça. Mais c'était un sapristi de bon bloc. Oui, ça a l'air sacré, mais ce n'est pas, donc on peut dire sapristi. Ben là, sapristi. Ça, il suffit de macaroni tout garni, là, hein? Saperly Popette. Voilà. On a entendu dans cette diffusion, évidemment, on écoutait un extrait de l'édition des Palmarès C'est Fou du 6 au 12 février 2012. C'était Jasmine Raymond-Dréville qui co-animait avec moi pendant cette session-là. Et ailleurs, dans cette même portion du Palmarès, on avait entre autres Mauve. Il y avait aussi les Breastfeeders, Malajube, Galaxy, Monogrenade, les Cowboys Fringants, Cœur de Pirate. Il y avait beaucoup de monde intéressant là-dedans. Du côté anglophone, de Cat Empire, de Pac 80, ceux qu'on connaît encore du palmarès dans notre présent de 2014, East Road et Steve Hill. Voilà, c'est tout ce que je vais dire là-dedans. Quand même. C'est une bonne semaine, 6 au 12 février 2012. Voilà pour cette info. On fait ça chaque semaine dans les palmarès. C'est fou. Hey, j'en connais plein là, que t'as nommé. Ouais, c'est pas mal récent, ça. Ben non, mais 2012, j'étais quand même pas là. C'est vrai, t'as commencé à l'automne 2012. Oui, je suis arrivée à l'automne 2012. C'est ça, c'est en plein ça. Il nous reste seulement le temps dans cette portion top 10 du palmarès des palmarès. C'est fou pour l'entendre. Les positions numéro 7 du côté anglophone, c'est Dear Criminals et Lovers Suicide. Mais on commence en francophone avec Ariel et Vice Étrange. Au palmarès, c'est fou, 80 de fin. FM. De dépressant en stimulant. De L'Association générale des étudiants de l'UQTR est fière de s'associer à cette édition des palmarès C'est fou. There's a thing called love versus suicide. When you kill your hope just to see it die. Rip it from its cage just to feel it dry. Press it against her chest and you wonder why. When you kill your heart just to see it die. Rip it from its cage just to feel it dry. Press it against the chest and you wonder why. So tempting, although you know at the end you won't be standing. How empty when your heart is left stranding. Unto love, lover's suicide. Anything that you want, just like your words will come and leave. I will be anything you want. Me, kiss me, hold me, love me, strangle me if you can. I won't be flesh, I want it now. I'm the cellular line. Tell me, write me, draw me anything that anything you want. Just like your words will come and leave. I will be anything you want. Me, kiss me, hold me, love me, strangle me if you can. Won't you flash, I want it now. I'm the center, you're the line. Tell me, tell me, tell me this place you belong. Touch me, touch me, touch me, touch me now. Or carry me along. Hold me, hold me, hold me, hold me tight when I'm gone. Kill me, kill me, kill me, kill me now. Bury me alone. Criminals et Lovers Suicide monte de la 16e à la 7e position anglophone. Et de côté francophone, c'était... mon Dieu, c'est Ariel... Non, pas Mordicus. Ariel. Oui, c'est étrange, oui. OK. Je comprends juste pas pourquoi je l'ai surligné de l'autre côté. C'est drôle ta façon de faire, mais si tu comprends, t'sais. Ben non, là, je te comprends pas. On saute par-dessus les 6e places en anglo, c'est Sexy Mathematics et The New Illusion. Et du côté francophone, on saute par-dessus Le Roi Soleil de Mordicus et c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. On se retrouve, oui, dans quelques instants avec la portion top 5 des palmarès. C'est fou. On va savoir d'ici la fin si la numéro 1 anglophone est toujours Lederhosen, Lucille et Christy Muir avec Chicken and Clark. Et du côté francophone, est-ce que c'est toujours Rayon X de Clope et Gag? C'est ce que vous saurez au retour au palmarès. C'est fou, restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Bonjour, on parle assez fou, c'est l'édition top 5 pour la semaine du 10 au 16 février 2014 et je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui! Oui! Mais dis-moi, oui! Dis-moi en plus, Mais non, dis-moi pas plus. Non, non, tu veux pas en savoir plus? Vraiment pas. Je t'ai déjà expliqué en plus d'où provenait mon nom. On ne reviendra pas sur un sujet déjà amené, là. Mais aussi inintéressant. On fait pas des callbacks et des running gags et des blagues à en plus finir sur les mêmes sujets. On réutilise pas les blagues qu'on a fait dans les précédentes éditions. On fait pas ça ici, c'est jamais. C'est pas notre genre du tout. Numéro 5, anglophone, Set the Whale est stable avec la pièce Willows. Alors que du côté francophone, ça monte de 10, c'est Chérie Jéjappe de Massicotte. Willow, low, low, low. Oh, ça, j'ai déjà fait, par exemple. Par contre, pas par exemple, par contre, qu'on dit en français, c'est par contre, Willow, low, low, j'ai déjà fait. Oh, baby. Jappe fort. Wouf, wouf. Secret, but if you hear it somewhere else, you won't believe. it's a risk. Telling ourselves that this will be forever. The Well et Willows stable en cinquième position anglophone. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Chérie Je Jappe de Massicotte. On est déjà rendu aux quatrième position et je vois que du côté francophone, je veux pas te voler le spoiler alert, là, mais en tout cas, moi, j'ai vu quelque chose que j'aurais pas voulu voir. T'sais. Hein? C'est là, c'est le numéro 1. Mais pourquoi tu dévoiles ça là? Je sais pas ce qui m'arrive, mais on dirait que j'ai comment. On est en train de se rattraper dans I Met Your Mother, là, avant de se rendre à la finale au mois de mars. Là. Mais là, je vais voir des affaires. Je le sais très bien, je devrais pas y aller, puis je vois pareil. Mais oui, mais t'es donc même comme masochiste, je comme sais. On dit. J'allais dire, t'es donc même massicotte. Non, c'est mais ça. Mais c'est proche. Ouais, ben, c'est ça. Ouais, je préfère être masochiste qu'être massicotte, mais bon, tu sais, chacun ses goûts. Ça dépend lequel. C'est ça, oui. Genre l'humoriste, surtout. Ouais, qui est pas très drôle. Hein, ouais. Côté anglophone, donc le numéro 4, c'est de Pac Haley qui descend de deux places avec Big Shot. Et j'ai quelque chose à vous annoncer avant que tu dises le francophone. On a un CD de The Pac Haley ainsi qu'un CD de Broken Bells qu'on a entendu en début d'émission à vous donner si vous nous appelez pendant le bloc musical au 819-376-5183 pour les gens qui écoutent le jeudi. Donc, appelez-nous quand même un album de Pac Haley et aussi Broken Bells. C'est une nouvelle entrée cette semaine. Je pense que c'est très intéressant. Appelez-nous au 376-5183. Pendant qu'on écoute du côté francophone, Clopelgag. Ben oui, c'est l'ancien numéro 1. Donc, ça a pris une petite débarque, mais c'est encore bon, c'est Rayon X. Encore une fois, 819-376-5183 pour les gens qui nous écoutent. Excuse-moi, j'avais oublié qu'à chanter dès le départ. 819-376-5183 pour les gens du jeudi. Ben important, ça. Jeudi, pas vendredi, pas dimanche. Jeudi. Oui, jeudi. Ton sabre laser sous mon rayon X fait briller mes cristaux et dans ta chambre noire. J'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine. Et ton prix Nobel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Difficile de l'avouer, j'aime tout ce qui se mange. La science est une orange. Je prends le pouls de tes ongles, je vais les promener dans les champs magnétiques où nous aimons graviter. Fouiller ma salive, parer le radium dans la maladie. Depuis que nos lits se font la leucémie.

getting chilled knowingly. Don't nudge me, cause I'm close to the track. If I go down, I'll break my back. Don't judge me, cause I'm close to the track. Chicken Don Clark, the leader of Low Silly Kristen Muir. Oh, excuse-moi, c'est vrai, c'est pas maintenant qu'on chante ça. Je m'en allais quasiment voler le punch de ce qu'on s'en va faire tantôt. Leader Olsen Lissel et Kristen Muir avec Chicken and Clark qui descendent d'une place et lancé numéro 1 anglophone. Et du côté francophone, c'était Ushville Zoo de Radio Radio. Puis là, je pense, Mathieu, que c'est le bout où on se prend au sérieux dans l'émission. Là. Ça ressemble à ça pas mal. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Je sais pas pourquoi je t'épique sur ma chaise à chaque fois. Sûrement parce que les chaises sont en effet assez rebondissantes. C'est ailleurs dans les palmarès, on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que pour ceux qui sont pas au courant, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco, un top 20 anglo, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 larves, un top 5 musique du monde. Que dirais-tu qu'on commence avec le top 30 des albums, Mathieu? On a deux nouvelles entrées. En 20e place, c'est Pie Pie avec l'album... Pagan Day. En 19e, c'est Broken Bells avec l'album After the Disco. Justement, on a fait tirer des albums de ça. On a des chanceux qui ont gagné ça. Ensuite, on passe au top 3. En 3e place, c'est Balladeur avec l'album Balladeur. C'est un maxi. En 2e place, c'est l'ancien numéro 1. C'est Lederhosen, Lucy and Krista Muir. Oh, j'haïs ça. Ouais. Muir. Mettons, là. Muir. Okay. De l'album Guten Tag, Jimini. En première place, ça monte de 8, c'est Haim avec l'album Days Are Gone. Ensuite, on passe au top 3 des disques canadiens. En troisième place, c'est The Pack ID avec l'album Do Not Engage. En deuxième place, ça monte de 6, c'est Balladeur avec l'album Balladeur. Et finalement, en première place, c'est celui-là que j'arrive pas à prononcer. Lederhosen, Lucille et Krista Muir. De l'album Guten Tag, Jimmy. Et tout ça, ces deux albums-là qui sont en première place pourraient vous donner un léger indice par rapport à qui est numéro 1 du palmarès anglophone. Mais bon, je sonne même, c'est un indice. Genre. Dans le top 10 loud, deux nouvelles entrées. En 10e place, Mount Salem et Endless. En 9e, Sog avec Delusions of Grandeur. En 3e place, c'est stable Hell avec Curse and Chapter. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, The Devin Townsend Project et The Red and Long Circus. Et en première place, l'artiste Behemoth monte de 1 avec l'album The Satanist. Dans le top 5 musique du monde, une seule nouvelle entrée, c'est Rockin' Camel, une pièce de violon barbare. En 2e, ça monte une camionnette de Janis Plus sur l'album Pierre aux couleurs. Et en première place stable, Nomad Slang de Ibrahim Malouf sur l'album Illusions. Et cette semaine, on a choisi de pénétrer un petit peu plus profond dans le top 5 musique du monde. Top 5. Voilà. Ben, coudain. Pour aller entendre la nouvelle entrée, donc on s'en va entendre Violon Barbare. L'album s'appelle Solemn Eye. Et voici l'extrait Rockin' Camel, toi un chameau qui rock. Oh! Rock-toi, boss! Man. Intéressant! Ça t'a pas l'air assez fou au 89.1. Rockin' Camel de l'artiste Violon Barbare. C'est une nouvelle entrée en troisième place du palmarès Top 5 musique du monde. C'était dans la chronique. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès. Faut qu'on ne se tanne pas de cette chanson-là et on la chante deux fois par semaine depuis le début de la session d'hiver, je pense. Ça me semble, on vient de commencer ça. Parle pour toi. Moi, non. Non, non. Je parle pour toi, voyons là. À chaque fois, je suis comme, ah ouais, c'est vrai. En tout cas. Donc voilà pour Ailleurs dans les palmarès. On fait ça chaque semaine au palmarès. C'est fou, on est de retour maintenant avec les positions numéro 1. Ouh! C'est déjà rendu le moment. Ah non. Ouais. Je viens de me rappeler ce qui se passait. C'est le moment de plonger, si on veut, dans l'univers des jeux de mots poches. Plonger, donc il faut s'équiper, il faut s'habiller. You know, you gotta suit up. Suit up, comme dirait Barney ou Arthur dans How I Met Your Mother. Tu te rappelles que dans les pierres à feu, Barney s'appelait Arthur. Donc moi, dans ma tête, quand je manigance des traductions françaises dans ma tête, Barney de How I Met Your Mother, je l'appelle Arthur, parce que pour moi, Barney, c'est Arthur. Quoi, dans les pierres à feu, ça s'appelait Barney en anglais? C'est exact. Je savais pas. Mais c'est vraiment ça. Je savais pas du tout. Donc, par association, je l'appelle Barney Arthur. Bref, c'est comme ça. T'sais. C'est comme un certain David. Mettons, je sais pas, David Ferron, peut-être animateur de l'émission Brancher le Monde les dimanches soirs à 17h. Mm-hmm. David, lui, il est tout le temps bien tight. T'sais. On dit que c'est comme un animal avec son bois. C'est David et les bois, on dit ça comme ça. T'sais. David et les bois. Tabarouette. C'est ça. C'est pareil. Tu nous apprends des choses, là. Ben, je suis branché avec ce gars-là, avec David. Je sais qu'il est tout le temps, c'est bien, bien tight, bien boisé. Odeur de boisé, comme dans un musqué. Musqué, oui, exactement. Oui, c'est ça. Il y a de l'antibibite partout sur son corps. Donc, je suis bien branché avec lui. Je dois le savoir. Ça, c'était mon jeu de mots pour l'artiste anglophone, tu vois. OK. Et maintenant, ben, c'est heureusement terminé parce que l'émission est presque terminée. Donc, la journée au complet va bientôt se terminer. Days are gone. Les journées sont parties. Voilà, j'ai fait mes jeux de mots. Explique ça. Bon, parfait. Donc, pour vous éclairer un petit peu le tout, moi, je vous dis que le numéro 1 du côté anglophone, ça fait une belle montée de 8 et c'est The Wire de l'artiste AIM. Mais tout d'abord, du côté francophone, ça monte quand même de 13. C'est Scaphandre de David et les Bois. Mais là, c'est pas David Ferron, là. Pas David Ferron, non, étrangement. Ça pourrait apporter à confusion. Je croyais que je t'aimerais toujours. Car dans mon scaphandre, le temps n'existe plus. Et j'étais sous l'emprise du sur le grand boulevard, et les éclairs ont fait des stries de sang dans mes yeux, qui s'inondaient plus mon scaphandre et pressurisaient. Tu fus une illusion dans ma bathysphère. Comment ma réalité étouffant mon atmosphère. Tu fus illusoire dans ce bathyscaphe de maison. Je t'oublie lentement, remontant à la surface, plongeant par plongeant. Tu fuis illusoire. ce bâtiscafe de maison. Je t'oublie sûrement, montant à la surface, plongeon par plongeon. Gonna be okay anyway. Always keep your heart light. skirt locked tight. Don't let your mind read that. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that. Oh, just gonna take it. Numéro 1 de chaque côté, on vient d'entendre en anglophone Haim et The Wire qui montent de 8 places de l'album Days Are Gone. Et tout juste avant du côté francophone, sa montée de 13, c'était Scaphandre de David et les Bois. Voilà qui termine les palmarès Ifo. On se retrouve en direct jeudi prochain entre 15h et 18h. Après notre émission, ce sera À Livre Ouvert, l'émission de littérature, qui reçoit un invité spécial. Je demanderais bien à la co-animatrice Camille Durand-Pelourde d'en parler, mais j'ai pas envie de la stresser plus encore. On repasse les vendredis soir à 17h. Après nous, c'est Les Bonnets Rouges et Skypunka. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Reste à l'écoute à 16h. Ce sera Raconte-moi ta ville, suivi de Brancher le monde avec David Ferron. Hey! Voilà. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balados diffusion. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. On se quitte sur une pièce qu'on a sautée plus tôt. C'est la position numéro 11 du côté francophone. Et c'est David Marin et À l'abri du tempo. Voilà, à la semaine prochaine. Bye! Bye. D'une entreprise qui prend le monde pour une valise. L'économie qui sodomise et dévalise le monde à journée longue. Je place du stock sur des tablettes, bien enligné devant l'étiquette. Je roule trop vite pour la planète qui est plus carré que ronde à journée longue. Quand tombe la nuit, je reviens à l'abri du tempo. We'll be right back. sauf le vendredi. Je prie pour qu'il me laisse partir plus tôt.